Adil, Adil, Joul. Alors, hein, hein. Wesh poto, appelle-nous quand t'as le cœur cassé. N'oublie pas de nous appeler aussi quand t'es bien. Appelle-moi Joul, sûrement la crise au Mike, mec. Pas de Porsche, tout dans la poche, et ma petite paire de Nike, mec. Appelle-moi De Niro, je suis le braqueur d'un hit. J'parle pas dans le vide, je honte ce que j'ai dans le vide. Appelle-moi Joe Petit, j'te trouve la gorge au stylo. C'est pas parce que j'suis petit que j'pèse pas des kilos. Appelle-moi Puff Daddy, j'ai soulevé des kilos. Sans même dire un petit mot, j'me mesure pas au petit mom. Et demande à Adil, au quartier ça agile. Les flics ça attire, reste à la fuite si ça attire. Appelle-moi Neymar, j'suis trop dessus, j'en ai marre. J'rappe comme des sommes, tu reconnais le R1 quand j'démarre. Appelle-moi Jackie, Shandy le flamant Jaku. J'veux être connu comme Biggie ou Tupac Shakur. Appelle-moi Chico, serein j'pète des chicots. Fais gaffe aux flics ou vlay même si elle est l'hélico. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, c'est rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, y'a rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Hey yo, appelle-moi la rue, celle qui sans savoir ça. On n'est pas bête, t'inquiète, même si on se noie dans le haram. Appelle-moi Merc ou MJ. J'ai du CD 3 dans le fond, trop rapide pour CMC. Quand à Jura, il faut prendre, appelle-moi Free. J'ai pas eu besoin de Jura pour être crédible. A dit la Wood, j'arrive lourd. Et je vous le prédis, appelle-moi AK, M16, vais tous vous rafaler. Sur CMV ou à la plage ou dans ta petite caisse calée. Appelle-moi Hugo, Chavez, les couronnes sa vie. J'ai pas peur, moi des Tays, Salah El Hmo Kadhafi. Appelle-moi ennemi, des temps, sera chalumé comme Esrine. Ratatata, les plus gros tueurs sont des civils. Appelle-moi Sauvage et 13, 10, Marseille, quartier sud, appelle-moi. Si t'es un frère, c'est Aïja, j'suis là, c'est sûr. Appelle-moi Balotelli, besoin des gains, nique les gens, laissez-moi à l'équipe, j'suis dans mon délire. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, c'est rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, y'a rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Appelle-moi mec, tu check. Survêt et veste à sortie. J'pense à mes frères Wahab. Survêt le champagne à votre sortie. Appelle-moi Tony Montana. Réfugié politique renvoyé par la Puenta. J'ai fumé les benga. Benga, ratatata. Appelle-nous Totorina pour te reprendre un tir dans le tas. Appelle-moi Nasiri. C'est trop vite que j'passe mes rimes. Et pas si vite. Appelle-nous Kicker sans vaseline. Appelle-moi Vodka, Red Bull ou Extra. Appelle-moi Rafta, recule, wesh, qu'est-ce que ça. Appelle-moi François Besse. Si t'aimes pas, sois François Besse. Appelle-moi Cannabis. J'te détends quand j'fais la piste. Appelle-moi première, deuxième, Marignan, Thaïlande. Coup, passage, OG, Hollande. Appelle-moi mitraillette allemande. J'ai pas le temps, appelle-moi Bangué ou Calma. Appelle-moi Marseille, tel gris, capuche, déter. Gigi, charbon, petit cali, pépère. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, c'est rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, c'est rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, c'est rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, j'ai le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va me déparaître. Appelle-nous Jack, t'as vu la crise au mic. Mec, appelle-nous, y'a rien à foutre la night. Ouais, nous on est là, on gère le son, t'inquiète. Dédicace au gérant, y'a ce qui va en déparaître. Hey, appelle-nous, c'est pas G235. J'appelle-toi quand y'a bagarre, c'est ça. Eh ouais, appelle-nous, génération 9-0. Appelle-nous, les boss. C'est plus que la 09. Voilà, appelle-moi après, appelle-nous. Appelle-nous, les nouveaux. Et on arrêtera quand tu auras 0-9. La deal. Aïe.